non, tu trouves un nid d'électricité. Qu'est-ce que. Puisque. Heureusement que t'as le bonus de glace, donc tu peux glacer l'ennemi et le pousser. Donc l'ennemi va casser les blocs. Et quand il sera arrivé au mur, la glace va se casser avec l'ennemi. Donc tu pourras aller dans la porte magique.